Lâche-le. On coupe. Ok. Oh yeah. Je te cherche, mon chercheur d'ange. Dans le jour et le soir, je sors dehors. Mes tentatives ont échoué. Dans ma vie, beaucoup de choses m'ont fait sourire, mais bien trop m'ont fait souffrir. Je sais qu'on a qu'une nuit, ensuite c'est l'enfer ou le paradis. Dans mon passé, on m'a dit de faire attention à la jalousie. Je rêve d'un endroit paisible, je suis sensible, prends vos cœurs pour si. Des fois, je suis un imbécile. Je suis un thug en bas de l'immeuble, j'ai mes affaires vite fait. Je reste discret, tout sans secret. C'est le va-tout du babtou, babtou, babtou. Un jour, tout ça arrêtera, il le faudra. Crois-moi, c'est simple à comprendre, mais faut-il apprendre. Demande au Seigneur de te guider. Jour après jour, tellement ils sont quittés. J'ai kiffé te rencontrer, mais tout ça c'est du passé. Maintenant, je passe mon temps à dealer. Pas de la drogue, juste des paroles. Mot à mot, j'ai écrit mon couplet. J'ai fait tout ça, dis-moi si ça te plaît. Rock a bob, rock a bob, rock a bob, rock a bob, baby. Et passe. Oh yeah. Rock a bob, baby. Et rock a bob, baby. Et rock a bob, rock a bob, rock a bob, baby. Et passe-moi le mic, chambre. Tu sais qui c'est, le gars que t'aimes ou que tu détestes. Tu veux me tester, écoute, mais reste pas avec moi. Car mes rimes blessent, te laisse dans le stress. Dis-moi, tu captes. Stress, dis-moi. Dis-moi. Dis-moi, tu captes, tu penses me battre, l'instru te tue. Mon esprit crache ses rimes, ces putains même s'ils veulent prendre mes rimes. Je pensais de près pour un putain de crime, crime. Ils en ont rien à foutre de nous, comme nous de vous. Putain, je deviens fou, frappant ces MC fous, il va flou. J'explose tout, tu te dis mais qui vise-t-il. Observe bien mes potes, mes salopes, hein, mes potes, hein, mes potes, hein, mes potes, mes salopes, mes ennemis. Fuck love, mes ennemis, mes ennemis, mes ennemis. Fuck love, just nobody. Toi-même tu sais où c'est tatoué sur mon cœur, sur mon corps, tu comprends. Oh yeah, you're my stylo. Ok, you know. Mon stylo écrit de la. Ma stylo. Ok, ok. You know. Oh, oh. You know. Mon stylo écrit de la poésie pour certaines filles. Et pour toi j'écrirai tout un livre. Quelque chose qui te rend vive. J'essaye de bien vivre, mais c'est dur. La tête contre le mur. Les yeux vers le ciel, de mon Dieu vers le ciel, de mon Dieu vers le ciel, demandant de l'aide. Et c'est là que t'es venu. Au début j'ai pas cru ce que j'ai vu. Je t'ai touché et tu m'as pincé. Et là j'ai compris que j'étais pas en train de rêver. Tu as le caractère comme je l'aime. Mon âme t'aime, mon âme t'aime, mon âme t'aime. Mes yeux t'observent, mon cœur n'a plus peur, viens quand je t'appelle. Tu sais que tu es belle. Pourquoi je suis comme ça, je sais pas. Je suis juste différent de certains frères qui n'ont pas d'amour pour les femmes. Ok, okay. Nobody can fuck me. Oui, oui. Nobody can fuck me. Can fuck me. That's my man Kenji. Yeah man. Bullshit thing. West side.